Le 7 février de l'an 105 du juillet 2016, la République populaire démocratique de Corée a réussi au lancement du satellite d'observation de la Terre Kwangmyŏng-sun 4. À cette occasion, elle a présenté à l'ONU un document pour l'enregistrement du satellite en qualité de signataire de la Convention sur l'enregistrement des objets lancés dans les espaces cosmiques. Récemment, l'Office des Nations Unies pour l'espace a élaboré le document officiel de l'ONU relatif à l'enregistrement du satellite Kwangmyŏng-sun 4 STSGSER.E768 et l'a inséré sur le registre des satellites de son site web et sur le site web des archives électroniques de l'ONU. Ainsi, l'enregistrement du satellite coréen est achevé selon les procédés légitimes conformes aux droits internationaux correspondants.